Il aura fallu des millions d'années pour que l'espèce humaine passe de l'homme des cavernes à l'homme des tavernes. L'évolution n'est pas pressée, elle a tout son temps pour développer le mental humain. Maintenant que le mental humain a atteint sa vitesse de croisière et qu'il flotte sur l'océan houleux de ses pensées, ils s'interrogent quant à leurs origines et à leur profondeur. D'où viennent les pensées? Pour que l'homme développe un ego, pour que l'homme développe une conscience, il a fallu qu'il y ait dans cette conscience de la réflexion. Qu'est-ce que c'est de la réflexion? De la réflexion, c'est un mouvement d'énergie qui frappe cette couche du mental humain, mais qui vient de l'extérieur de l'homme. C'est une énergie qui descend dans l'homme. Lorsqu'elle frappe le mental humain, elle crée ce qu'on appelle de la réflexion, elle crée de la pensée. Pendant l'évolution, pendant la période d'adaptation psychique, si vous voulez, de l'homme à lui-même, il a fallu, pendant très très longtemps, que son corps mental, qui est une couche d'énergie en lui, qui fait partie de ses corps subtils, se développe. L'homme ne pouvait pas, à ce moment-là, vivre d'une conscience réelle, c'est-à-dire d'une conscience créative, parce que il n'avait pas suffisamment d'expérience accumulée sur le plan de l'âme. C'est comme un mouvement dans les deux directions. L'homme avait besoin d'expérience pour développer toutes ses facultés physiques, vitales, astrales, mentales, et ces expériences, dans un même temps, servaient à la construction de modèles de vie pour d'autres expériences futures. Ces modèles de vie, cette mémoire, cette âme, étaient étudiés par son esprit et donner à son esprit de plus en plus d'expérience à manipuler les énergies subtiles de sa composante planétaire. Au cours des millénaires, jusqu'à la fin du 20e siècle, l'esprit ne pouvait pas complètement s'imprégner dans l'homme. Il pouvait partiellement s'imprégner dans l'homme, mais il ne pouvait pas complètement s'imprégner dans l'homme parce qu'il est trop puissant. L'homme était trop fragile. L'homme vivait trop de mémoire. Donc, tant que l'homme vit de mémoire, tant qu'il y a en lui trop d'assaut sur son mental, sur son émotion, à partir de sa mémoire, l'esprit ne peut pas le pénétrer complètement, son esprit, son énergie. Il ne peut pas vivre de son énergie. Parce que son énergie, c'est une énergie qui n'est pas catégorielle, c'est une énergie qui n'est pas astrale, c'est une énergie qui n'est pas sous le contrôle des mondes inférieurs. C'est une énergie créative. Donc, pendant des millénaires, l'homme qui dut développer un ego afin que plus tard, à partir de la période de l'évolution, afin qu'il puisse lui-même commencer à réellement converser avec son esprit, c'est-à-dire avec son énergie, c'est-à-dire traduire son énergie en action. Il a fallu que son mental se développe. Il a fallu que son ego se développe. Donc, nous avons une histoire de l'humanité très colorée qui, aujourd'hui, continue à hanter l'homme sur le plan de son inconscience. Le rêve, c'est un exemple. Il aura fallu donc qu'il ait une âme qui serait en quelque sorte comme un médiateur entre l'esprit et l'ego, un pont de péage en quelque sorte. C'est exactement ce que c'est. L'âme, c'est un médiateur entre l'esprit et l'ego, jusqu'au moment où l'homme soit suffisamment conscient, c'est-à-dire suffisamment évolué sur le plan de son esprit. Autrement dit, il faut que l'esprit connaisse suffisamment toute la chimie, toute la physicalité occulte de l'homme pour ensuite fondre avec lui, fusionner avec lui, intégrer avec lui et faire de l'homme une unité. Ça, ça a pris des millénaires. Pendant ce temps-là, l'homme a extrêmement souffert. Il a beaucoup souffert. Il est mort. Il est revenu à l'astral. Et ce qui se produit, c'est que même lorsque l'homme revient dans le monde de la mort, dans le monde de ce qu'on appelle l'astral, il continue à évoluer. Il continue à travailler. Mais il continue toujours à travailler avec l'âme, c'est-à-dire la mémoire qu'il possède. C'est pour ça que lorsque vous entrez en communication avec des intelligences ou des âmes, si vous voulez, qui sont dans ces plans-là, vous voyez qu'il y en a qui sont très évolués, il y en a qui sont moins évolués, il y en a qui sont réellement perdus. Mais l'homme, lui, qui est sur la Terre, qui a oublié ces mondes-là avant l'incarnation, qui n'a pas de science dans son monde, dans sa civilisation, excepté un peu de science ésotérique occulte, qui ne sont pas universellement reconnus. Cet homme-là, il est piégé, il est forcé de vivre une vie planétaire en aveugle. S'il est très, très sensible, parce que son esprit est évolué, à ce moment-là, quelque part dans le temps, il y aura un travail, l'esprit essaie de pénétrer. Il y aura un travail, il y aura une sensibilisation. La sensibilisation amènera quoi? Il amènera cet homme à chercher des voies d'accès à une certaine connaissance. Il essaiera de retourner au principe de Socrate, connais-toi toi-même. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en retournant aux sources spirituelles, il ne retourne pas à la source. Il retourne aux sources spirituelles. Il y a une très grande différence entre les sources spirituelles et la source. Les sources spirituelles sont des sources qui sont gérées par des intelligences cosmiques. Ce sont aussi des sources qui sont utilisées par des âmes qui sont déjà de l'autre côté de la vie. Donc, ces âmes continuent à évoluer. Si ce sont des âmes évoluées, elles traitent avec l'homme dans un certain bien. Elles inspirent l'homme. Mais elles inspirent toujours l'homme en fonction de leur ignorance ou de ce qu'elles savent. Et ce qu'elles savent est toujours proportionnel à l'évolution de leur esprit. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, un jour, l'homme doit s'éveiller, c'est-à-dire qu'il doit prendre conscience de cette mécanique cosmique, occulte, invisible, cachée, voilée. Il doit comprendre. S'il veut avoir finalement accès à une psychologie, c'est-à-dire à une science de l'esprit, c'est-à-dire à une science qui comprend tout de lui-même, qui lui permet de comprendre tout de lui-même, à partir d'une relation étroite entre son intelligence, qui est son esprit, autrement dit sa lumière, qui n'est pas colorée par l'astral, qui n'est pas interceptée par l'astral, par le biais des pensées de toutes sortes qui affluent vers lui à cause de sa mémoire. Mais cette science de l'esprit n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Elle vient. Elle fait partie de la nouvelle conscience supramentale. C'est pourquoi nous découvrirons au cours des siècles que cette science de l'esprit, qui est fondamentalement la psychologie de l'homme nouveau, elle fait partie de la nouvelle définition de l'homme, de la nouvelle créativité de l'homme. Elle fait partie de la nouvelle liberté de l'homme. Donc, elle ne peut pas exister dans le passé de l'homme, qu'il soit occidental ou qu'il soit oriental, qu'il soit du haut mysticisme ou qu'il soit du mysticisme confondu ou confondant. C'est donc l'homme qui va la manufacturer. C'est l'homme lui-même qui manufacturera cette nouvelle psychologie, cette nouvelle science, au fur et à mesure qu'il se sentira de plus en plus capable de vivre l'étroite relation avec son énergie, sa lumière, au lieu de la vivre en relation avec le pont qui est l'âme. Devient l'âme dans... L'âme, elle est transmutée à partir de ce moment-là. L'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, elle est transmutée. Donc, l'âme deviendra pour l'homme un véhicule qui lui permettra de se déplacer dans des plans parallèles. L'âme deviendra pour lui son corps moronciel. L'âme, au lieu de l'habiter, lui, il l'habitera. Dans le passé, l'âme nous a habités. Nous avons vécu l'évolution. Dans l'avenir, l'homme habitera l'âme. L'âme deviendra pour lui un système de transport dans les éthers. Mais pour que l'homme puisse habiter l'âme, il faut qu'il élimine de sa vie la conscience animique qui est préservée dans les archives de la mémoire, qui sont conservées à travers la médiumnité de la pensée, L'homme ne réalise pas qu'il est médium. L'homme pense qu'il pense. Il pense que c'est lui qui pense. L'ego pense que c'est lui qui pense. Lorsqu'en fait, l'ego est médiumnique, mais il est médiumnique à un point, à un taux vibratoire tellement bas qu'il vit ce qu'on appelle une pensée subjective. Donc, il vit l'illusion d'un moi. Au lieu de vivre dans une conscience totale, dans une conscience unitaire, dans une conscience créative, qui est le produit de la fusion et de l'intégration de son énergie avec ses plans inférieurs. Ça, c'est l'homme nouveau. À ce moment-là, il vit des pensées quoi? Créatives? À ce moment-là, il vivra des pensées créatives, il vivra des pensées qui sont communicatives, qui sont télépathiques. Il pourra communiquer avec lui-même, il pourra communiquer avec sa propre lumière. Mais il sera capable, en communiquant avec sa propre lumière, d'être dans la lumière de la communication, au lieu d'être dans les ténèbres de la communication, qui sont la pensée subjective. Il saura instantanément si la lumière, elle est colorée par l'astral, si elle est utilisée, si elle est interceptée par l'astral. Regardez le phénomène de la radiophonie. C'est un phénomène nouveau. Nous sommes habitués aujourd'hui au 20e siècle à la radiophonie, mais il y a 200 ans, 300 ans, la radiophonie nous aurait apparu comme étant de la magie. Donc, si la radiophonie, il y a 200 ans, aurait apparu à l'homme comme étant de la magie et qu'aujourd'hui, on commence à s'habituer, imaginez-vous que la relation entre l'ego, l'homme, le mortel, son double et son esprit, c'est-à-dire sa lumière, c'est aussi de la radiophonie. Alors, avant que l'homme s'habitue à la radiophonie, avant qu'il perde l'illusion, l'inquiétude ou la crainte de ce phénomène cosmique, de ce phénomène fondamental qui régit tout le cosmos, qui régit toutes les intelligences à tous les niveaux, ça prendra un certain temps. Ça, c'est ça que l'homme, en tant qu'ego, en tant qu'être appartenant à une race ancienne, doit apprendre à comprendre. Et le mythe d'Icare, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas une tentative de l'homme, justement, de ravir au Dieu cette énergie, cette intelligence, cette lumière? L'homme qui a bâti ses ailes pour rejoindre le soleil, ses ailes ouais, qui ont fondu ouais, à l'approche ouais, du soleil, ouais, il est retombé ouais, sur ouais, la terre. Juste. L'homme doit retourner, le soleil, c'est sa lumière. L'homme doit retourner au soleil. L'homme, un jour, doit avoir les ailes suffisamment puissantes pour aller vers le soleil, sa lumière, lui-même, son identité, sa réalité, sa conscience cosmique. L'homme doit. Mais pourquoi l'homme? Pourquoi Icare n'a pas pu? Parce qu'il était trop près du soleil. Les ailes ont fondu. Pourquoi elles ont fondu? Parce qu'elles étaient construites d'un matériel qui n'était pas réel, d'un matériel qui n'était pas suffisamment solide, puissant, qui n'était pas capable de supporter cette chaleur intense. Donc, l'homme doit être capable un jour de supporter cette lumière, cette chaleur intense qui est sa réalité, son identité. Et pour qu'il le fasse, il doit passer à travers la stratosphère vers le soleil. La stratosphère, c'est l'astral. L'astral, c'est les pensées qui sont communautaires, qui sont collectives, qui n'appartiennent pas à l'homme, qui ont été créées de tout temps par les hommes, à différents niveaux d'expérience, différents niveaux d'évolution, mais qui ne sont pas le produit de l'identité personnelle, cosmique, de l'homme vis-à-vis sa propre lumière. Ce sont des pensées qui ont servi pendant l'évolution, qui ont servi à faire progresser l'homme, mais qui l'ont toujours maintenu dans une certaine ignorance. L'homme, un jour, doit sortir de cette ignorance lorsque c'est le temps. Le temps, il est venu dans le monde. Et les hommes de la Terre verront naître une nouvelle race humaine, c'est-à-dire une race mentale supérieure, qui aura le contrôle de son énergie, qui ne pourra plus être affectée sur le plan psychologique, qui aura une conscience totale de sa psychologie et qui aura éventuellement, à cause de l'accroissement du taux vibratoire venant de l'expression ou du mouvement de cette énergie cosmique pure, indifférenciée vers l'homme, la capacité éventuellement de conquérir les éléments et de commander la matière, comme l'homme doit le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est un esprit dans la matière, mais il est un esprit qui est prisonnier. L'esprit de l'homme est prisonnier et l'esprit de l'homme un jour doit être libre. Et l'homme ne sera libre que lorsque son esprit sera libre. Et l'homme ne sera pas libre tant qu'il n'aura pas complètement enlevé à l'âme le pouvoir qu'elle a sur lui de par la mémoire. Donc les ailes d'Icare étaient faites de désir et les ailes d'Icare étaient faites de volonté. Exactement. Tous les hommes de la Terre veulent savoir, tous les hommes de la Terre veulent conquérir, tous les hommes de la Terre veulent immortaliser leur conscience. C'est le rêve de l'homme. Tous les hommes veulent comprendre le secret des dieux. Tous les hommes veulent comprendre le secret de la mort. Tous les hommes veulent comprendre tout. L'homme doit savoir tout. L'homme un jour doit savoir tout. Mais dans le passé, lorsque l'homme manifestait ses désirs, qui étaient une expression de son esprit à travers son astral, il se brûlait les ailes parce qu'il n'était pas prêt. Alors l'homme devait attendre des milliers d'années, il devait attendre le temps où la cinquième race à laquelle nous appartenons donne naissance à une nouvelle, qui est la sixième. Et pendant la période de transition, qui est la période apocalyptique à l'intérieur de laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a des hommes dans le monde, dans différents pays du monde, qui, alimentés de leur énergie, comprenant les lois de cette énergie, les lois du mental, les lois du psychisme, les lois de l'homme, les lois de la vie de l'homme, les lois de la vie dans l'homme, pourront effectivement, éventuellement, rentrer dans l'autre vie. Au lieu de vivre une existence, ils vivront une vie réelle sur le plan matériel, et lorsqu'un jour il sera temps pour eux de changer de plan, ils continueront à vivre une vie réelle sur un autre plan. Donc l'homme ne peut plus aujourd'hui se faire dire, écoutez monsieur, c'est un mystère, vous devez croire en Dieu, vous devez croire en ceci, vous devez croire en ça. L'homme ne peut plus se permettre de croire, parce que aussitôt que l'homme croit, il perd. C'est à son identité. L'homme doit savoir. Lorsque l'homme saura, il n'aura plus besoin de croire. Si vous, vous savez, moi je sais ce que vous savez ce que je sais, nous n'avons pas à nous faire croire l'un l'autre. On se parle. Mais si vous, vous savez quelque chose et vous me dites, vous devez croire, je suis assujetti à ce que vous savez, tout d'un coup vous faites erreur. Moi je suis foutu. L'homme ne peut pas se permettre de croire. Mais dans le passé, pendant l'évolution, c'est important que l'homme croie, parce que ça lui permettrait graduellement de gravir les différents paliers de l'existence, les différents paliers de la connaissance, pour en arriver un jour, lorsqu'il sera prêt à faire sauter les paliers qui lui avaient servi, passer de la cinquième à la sixième, et effectivement savoir, c'est-à-dire être capable de récupérer, sur le plan de l'énergie interne, tous les aspects de la connaissance dont il a de besoin, pour vivre, pour travailler, pour faire, et ainsi de suite. Ceci fait partie de sa fusion, ceci fait partie de sa conscience nouvelle, ceci fait partie de son lien, qui n'est plus karmique, mais qui est cosmique. Un jour, l'homme ne doit plus avoir de lien karmique, il ne doit plus vivre sur la Terre parce qu'il a fait dans le passé tel genre. Il doit vivre sur la Terre parce qu'il peut, sur la Terre, vivre réellement, à ce moment-là, créer, et ainsi de suite. Et dans cette période de transition, comment est-ce qu'il va réussir à neutraliser les effets karmiques, à ce moment-là? Les effets karmiques seront neutralisés au fur et à mesure qu'il commencera à comprendre la réalité, c'est-à-dire l'illusion. Tu comprends l'illusion? Tu comprends la réalité. Mais il faut comprendre l'illusion. Et quand je parle de l'illusion, je ne parle pas de l'illusion hindoue. Je me méfie des airs. Autant que je me méfie de la pensée occidentale. Les Indes ont eu leur fonction, la pensée occidentale a eu sa fonction. Avec l'homme nouveau, c'est la synthèse des deux. C'est la compréhension de la perfidie dans les deux. L'aberration nécessiteuse. C'est l'opération nécessiteuse, c'est le point où l'homme finalement est capable de regarder droit dans les yeux le maître et dire « Vous êtes très gentil ». Mais moi, je n'ai plus besoin de vous. Mais tant que l'homme ne peut pas regarder le maître dans les yeux, et quand je parle du maître sur le plan matériel, ou je parle du maître sur les autres plans, c'est encore pire sur les autres plans, parce que le maître, il est encore plus grand, plus puissant, plus beau. Lorsque l'homme arrive dans le monde de l'essence, il doit être capable d'arriver sur les plans, regarder le maître dans les yeux, dire, j'ai plus besoin de vous. Mais s'il a peur, s'il est encore dans les consciences, il baisera les pieds du maître et le maître continuera à le baiser. Est-ce que le nirvana des hindous fait partie de ce plan de conscience éthérique, de ce plan de lumière? Le nirvana des hindous, c'est le nirvana des hindous. Il faut leur laisser leur nirvana. Chacun son nirvana. Il ne s'agit pas d'enlever aux hindous leur nirvana, il s'agit pour nous de trouver notre propre nirvana. Le nirvana de l'homme nouveau, c'est-à-dire la conscience de l'homme nouveau, c'est-à-dire l'absence dans la conscience de l'homme de toute forme quelconque de mysticisme. Savez-vous qu'est-ce que c'est du mysticisme? Du mysticisme, c'est de la conscience spirituelle élevée au niveau de la divinité. Savez-vous qu'est-ce que c'est de la divinité? C'est un empoigne spirituel sur la conscience égoïque de l'homme pour le garder prisonnier du mysticisme. C'est un cercle vicieux. L'homme, ce qui est absolument extraordinaire, et je le comprends, je comprends vos questions, je comprends les questions de l'homme, parce que moi, avant mon expérience de 69, je n'étais même pas aussi conscient de tous ces aspects que les gens aujourd'hui me parlent. J'étais rationaliste, comme tous. J'étais le fils de l'Occident. Donc, je comprends jusqu'à quel point c'est difficile pour un égo de se tenir et de s'élever par ses propres straps. C'est un tour de force pour un homme d'évaluer par lui-même la mémoire de l'humanité. Il faut le faire. Il faut le faire. Et nous devons le faire parce que si nous ne le faisons pas, nous n'aurons jamais accès à notre liberté. Et si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous avons toujours de la crainte d'offusquer les dieux. Nous avons la crainte de pécher. Nous avons la crainte d'offusquer les dieux. Nous avons la crainte de liens karmiques. Nous avons la crainte de rétribution karmique. C'est du chantage! Priez pour nous, pauvres bûcheurs. Priez pour nous, père pauvre bûcheur. Bûcheur. C'est du chantage. Et c'est du chantage qui, dans le passé, servait, parce que les hommes, dans la crainte de Dieu, étaient meilleurs entre eux. Ouais. C'était bon. Je n'ai rien contre le passé, mais j'ai tout pour l'avenir. Donc, le passé, il a fait ce qu'il avait à faire. C'était un garde-fou. C'était un garde-fou, exactement, exactement. C'était un garde-fou. C'est un garde-fou. Et nous avons été des fous pendant des millénaires. Il fallait les garder, les fous. Et aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle époque où nous devons faire sortir le garde afin que le fou devienne intelligent. Et nous n'avons pas de choix. Je le dis dans le monde, je le dis dans n'importe quel pays, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix parce que nous n'avons pas de choix. Et savez-vous pourquoi nous n'avons pas de choix? Parce que nous n'avons pas de choix! On peut nous offrir d'autres choix, mais un jour, nous verrons que nous n'avons pas de choix. L'homme doit être intégral. L'homme doit être dans son identité. L'homme doit être libre. Il est libre, tu peux être libre. L'homme peut être libre et respecter l'ancienneté. Moi, je respecte la civilisation, je respecte la culture, je respecte les ordres, je respecte tout. Mais je suis libre. Je suis libre. Donc, il va falloir que l'homme passe d'un mental collectif à un mental individuel. Il va falloir que l'homme passe d'un mental collectif à un mental individuel, et ce passage n'est pas facile parce que notre mental humain, il est collectif. Nous pensons avec les pensées des autres. Qu'est-ce qu'il a dit, tel bonhomme? Qu'est-ce qu'il a dit, tel philosophe? Qu'est-ce qu'il a dit, tel théologien? Comment il voit, lui? Qu'est-ce qu'il a dit, le pape? Qu'est-ce qu'il a dit, le curé? Qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Qu'est-ce qu'il a dit, ton grand-père? Nous vivons du mental collectif de l'humanité, et ceci fait partie de notre élévation en tant qu'homme. Mais ceci ne fait pas partie de notre identité, de notre liberté. Un jour, nous devrons en arriver à voir et à réaliser que nous avons accès à notre propre lumière, individuellement, mais lumière qui est universelle. Les hommes qui sont dans cette lumière, qui sont dans cette conscience, s'entendent à merveille. Il n'y a aucun appétit qui cherche à dévorer l'autre, il n'y a aucune domination, c'est une relation parfaite. Et nous avons besoin, les hommes, au cours des siècles qui viennent, de cette relation parfaite, et ceci sera les fondements de la nouvelle race racine, la sixième. Et à la septième, l'homme sera très, très évolué. Bon, alors comment est-ce que l'homme va passer du mental collectif au mental individuel? L'homme va passer du mental collectif au mental individuel en réalisant que la nature de son psychisme n'est pas égale à elle-même. Que tout ce qu'il y a dans sa tête, ce n'est pas réel. Que tout ce qui est dans sa tête est le produit d'une expression qui n'est pas sienne. Qu'il y a un pont, qu'il y a du brouillage, qu'il y a de l'intermédiaire. Lui, il est ici, il y a l'astral ici, il y a sa lumière ici. Elle ne peut pas passer, cette lumière, parce que quand elle passe ici, elle est colorée. Donc, il n'a jamais une pensée pure, il n'a jamais une pensée parfaite, il n'a jamais une pensée créative, il a toujours une pensée qui est conditionnée par l'émotion dans son mental. C'est ça, le mental collectif. C'est l'émotion dans le mental qui colore la pensée et qui retient à la pensée son pouvoir créatif à cause de l'émotivité qui crée la crainte et la crainte qui assujettit l'ego et qui empêche l'ego de sentir en lui la puissance de son énergie, c'est-à-dire la puissance de sa lumière, la puissance créative de sa lumière qui lui donne parfaite identification à lui-même, parfaite personnalité, parfaite identité et parfaite reconnaissance des lois de l'énergie, des lois du cosmos, des lois de la mort, des lois de la vie, des lois de l'âme, des lois de la mémoire, des lois de tout. Bon, et que fait l'ego lorsqu'il s'aperçoit de ces émotions qui le charrient? Il souffre. Premièrement, il souffre, oui. Vous savez, le pape Jean XXIII a parlé un peu de ce nouveau temps qui vient, ce nouveau temps. Et il dit dans ses textes, il est très clair pour ceux qui savent lire, les fils de la lumière souffriront des souffrances très graves. Donc les fils de la lumière, les hommes, nouveaux, l'homme de demain, la nouvelle évolution, ces hommes souffriront une souffrance très grave. À la hauteur de chaque individu, mais ils souffriront une souffrance. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme qui n'est plus supporté par la société est obligé de vivre la solitude de son mental. Il est obligé de vivre le poids de ce qu'il sait, le poids de ce qu'il sent. Et ce qu'il sait et ce qu'il sent n'est pas encore parfait. Ce n'est pas encore perfectionné parce qu'il n'a pas encore le mental juste. Il n'a pas encore la parole juste. Donc, il ne sait pas encore parfaitement. Il y a encore des voiles. Ça, c'est sa souffrance. Et tous les hommes qui connaîtront l'évolution souffriront à cause du fait qu'ils doivent passer d'un mental inférieur à un mental supérieur, donc d'une conscience collective à une conscience individuelle. Bon, ben l'énergie de ses émotions, il doit la canaliser quelque part. Il va la canaliser de toutes les façons, il va les canaliser de toutes les formes d'expérience. Il va s'apercevoir que derrière toute expérience humaine qui relève de son contact avec l'astral, autrement dit de son contact avec un niveau de pensée qui n'est pas le sien, il doit apprendre un jour à ne pas croire. Ce sera son test. Lorsqu'il aura appris à ne pas croire, à pouvoir faire la différence entre ce qu'il sait et ce qui lui est implanté, entre ce qu'il sait et ce qui lui est implanté, la différence entre les deux. Tant qu'il n'aura pas fait ceci, il n'aura pas commencé à prendre possession de son énergie. Il n'aura pas commencé à prendre possession de sa conscience. Il n'aura pas commencé à réaliser ce qu'il est. Donc, il sera un être sans essence, mais il sera un être avec un désir d'être-té. Ça sera sa souffrance spirituelle. C'est pour ça que je dis, dans mes mouvements dans le monde, où je rencontre des gens, je dis, que vous soyez n'importe quoi, que vous soyez n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ça a de l'importance si vous y donnez de l'importance. Mais si vous apprenez à ne pas donner d'importance à vos expériences antérieures qui étaient déchues, qui étaient illusoires, vous êtes déjà dans un mouvement d'énergie qui fait partie de votre propre créativité. Vous commencez déjà à vous conscientiser, donc vous êtes déjà évolué. Mais nous devons réapprendre à vivre complètement. Et nous ne pouvons pas réapprendre à vivre à partir des anciennes méthodes, à partir des anciennes doctrines. Ça faisait partie de l'ancienne vie. C'était beau, c'était grand, c'était bien. Vous regardez les messages du Nazaréen et vous les interprétez dans le contexte d'une conscience cosmique aujourd'hui, ces messages n'ont pas la même définition. Ils ont une autre définition. Mais pour le temps, ces messages servaient à l'évolution de la civilisation occidentale. Donc, lorsque nous regardons le passé, ou la connaissance du passé, nous devons toujours la regarder avec une lumière qui est fraîche, qui est la nôtre, et qui n'est pas biaisée par la coloration créée par nos émotions sur le mental. Nous ne devons pas avoir peur de savoir, même si nous savons un peu, même si nous percevons un peu, nous ne devons pas avoir peur de garder ceci, parce que ceci fait partie de notre essence. Et avec le temps, nous prenons plus d'expérience, nous voyons plus les voiles, nous définissons plus notre réalité. C'est l'homme qui va définir sa réalité. Ce ne sont pas les dieux. Ce sont les hommes qui définiront leur propre réalité, qui diront « Dieu, écoute, toi, t'as fini avec moi, là, tu t'en vas là. » Alors, quand l'homme sera suffisamment conscient pour dire « Écoute, t'as fini là, là, tu t'en vas dans telle partie du cosmos, tu vas travailler là. » Parce que les dieux ont besoin des hommes. Et c'est ça que les hommes ne savent pas. La plus grande fourberie de l'évolution, c'est que les hommes ont toujours pensé et ont toujours cru que les dieux étaient leurs sauveteurs, que les dieux étaient leur lumière, lorsqu'en fait, les dieux étaient simplement leur aide temporaire. Et que c'est l'homme qui est un dieu et que les dieux sont des serviteurs de l'homme. Expérience. Si je dis, mais fais pas ça parce qu'il va venir de quelque chose qu'il doit faire pour prendre de l'expérience. Si je dis, mais fais pas ça parce qu'il va se produire telle chose, j'empêche l'évolution de l'homme. Et un jour, lorsque l'homme comprendra ceci, que les dieux, c'est-à-dire les intelligences qui évoluent dans les mondes parallèles, sont les serviteurs de l'homme, et que l'homme, dans son universalité de conscience, ne peut pas être serviteur de personne, c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à faire évoluer des intelligences qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de comprendre certains mystères qui font partie de leur monde, et l'homme aidera l'astral à évoluer et à se retrancher et à se replanter dans d'autres planètes, dans d'autres parties de la galaxie pour continuer à se perfectionner ou à revenir dans des corps humains très avancés au cours de l'évolution de la Terre et se fusionner avec eux. Mais l'homme de demain ne sera plus l'homme ancien. Il n'y a aucune relation. L'homme d'aujourd'hui qui vient demain n'est pas frère avec l'homme de l'ancienneté. Il n'y a pas de fraternité entre les hommes de la sixième et les hommes de la cinquième race racine. Pourtant, ils vont devoir cohabiter ensemble. Ils vont cohabiter ensemble, mais sous les conditions fondamentales de l'exigence occulte de la nouvelle race racine. L'homme de la sixième race racine, il vivra dans des conditions qui seront créées par lui, soit directement ou en relation avec d'autres intelligences qui viennent du cosmos et qui sont prêtes et qui attendent que l'homme soit prêt pour travailler avec elles. Et à ce moment-là, l'homme travaillera et régira sur la Terre un plan d'évolution qui sera conforme aux lois de l'énergie et aux lois cosmiques. Et à partir de ce moment-là, l'homme de la cinquième âme, ceux qui restent, pourront bénéficier de ce que l'homme nouveau amène à la Terre. C'est très important de comprendre ceci, parce que si l'homme ne comprend pas ceci, il sera toujours psychologiquement lié à la spiritualité. Donc, il va falloir développer une psychologie des émotions, une science du mental et puis une science de l'esprit. C'est une chose. La science de l'esprit couvre la psychologie de l'émotion, couvre la science du mental. Qu'est-ce que c'est de l'esprit? C'est de l'énergie. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? C'est de l'énergie. Nous parlons de l'esprit, mais nous parlons en fait d'énergie. Donc, dans les mondes du mental supérieur, il n'y a pas de forme. Il y a simplement de l'énergie. Cette énergie, elle est suffisamment évoluée pour permettre que l'homme ait accès à son essence, c'est-à-dire qu'il y ait un refroidissement éternel entre cette source et l'homme. Le refroidissement éternel entre cette source et l'homme permet à l'homme de vivre dans une certaine chaleur sur les plans où il est. Ce qui crée l'homme, ce qui peut créer l'homme, c'est le fait qu'il y ait sur la Terre, dans la condition mentale, astrale, vitale et psychique de l'homme en général, un refroidissement de cette énergie qui est cosmique. À partir du moment où l'homme devient intégré à cette énergie, il est capable de l'utiliser. Il est capable de s'en servir. Elle fait partie de lui. Elle est lui. Il n'y a plus de division. Donc, il n'y a plus de catégorie dans l'essence de l'homme. Et là où il n'y a plus de catégorie dans l'essence de l'homme, l'homme, il est sur la Terre immortel, c'est-à-dire qu'un jour, lorsqu'il a fini de travailler sur ce plan, il dématérialise son matériel pour continuer à évoluer sur un autre plan et toujours travailler en union parfaite avec cette énergie. C'est ça l'évolution future de l'humanité. C'est ça que le Nazaréen a connu par la dématérialisation de son corps. C'est ce que les grands initiés ont connu dans leur passé, qui se sont effacés du visage de la Terre pour retrouver leur tombeau réel, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire cette dimension parallèle à la Terre qui ne fait pas partie de l'astral, qui ne fait pas partie des mondes spirituels, qui ne fait pas partie du ciel, mais qui fait partie d'une autre temporalité où s'exige et où se doit naître l'expression de la conscience cosmique, que ce soit des hommes de la Terre, que ce soit des initiés de la Terre ou que ce soit des hommes d'autres planètes. Il y a une relation universelle, interplanétaire entre ces plans. Mais l'homme, avant de prendre conscience des mystères de la vie, il doit prendre conscience des mystères de son moi, de son « je », de sa mémoire, de la réalité de son âme et du jeu constant entre l'émotion et sa pensée. Constant, constant, constant, constant. Et c'est là que se défait, que se dénoue ce qui, dans le passé, a été construit pour la protection et l'évolution de l'homme de demain. Le jeu constant entre l'émotion et le mental. L'émotion joue toujours sur le mental. Elle le colore. Elle enlève à l'homme de la force. Elle enlève à l'homme de la volonté. Elle enlève à l'homme de la lucidité. Donc, elle rend l'homme assujetti à l'astral, à l'évolution. C'est ça qui est la différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau. L'homme nouveau n'a pas demandé de questions à personne. Il n'a pas demandé au Dieu si le cosmos il est fait de telle façon. Il le dit. Il n'a pas demandé au Dieu s'il devrait faire ceci. Il le fait. Il n'a pas demandé aux hommes s'ils sont d'accord. Il dit, il parle et il agit. Mais toujours avec lucidité, c'est-à-dire toujours avec l'humilité qui est nécessaire lorsque l'homme doit supporter le poids de son énergie, c'est-à-dire le poids de sa lumière, afin de permettre que des hommes dans le temps, qui ne sont pas de sa race, qui font partie d'autres mondes, qui doivent continuer leur expérience, que ces hommes, ces femmes, au cours des siècles, aient la chance de rattraper leur conscience et revenir au point de départ de l'homme, c'est-à-dire au point où l'homme était lumière. C'est pour ça que l'homme nouveau, au début, lorsqu'il commence à savoir certaines choses, comprendre certaines choses, il doit prendre conscience de l'orgueil spirituel qui entache ses relations avec les hommes. L'homme ne peut pas, ce n'est pas à l'homme conscient ou l'homme qui se conscientise d'éduquer les hommes inconscients. L'homme conscient a suffisamment à faire avec lui-même. Il a suffisamment à regarder son nombril parce que son nombril, il est un peu corrosé. Il n'a pas un beau nombril. Et tant qu'il n'aura pas un beau nombril, il ne peut pas le regarder et dire « Regardez mon nombril, il est bien !» Parce que c'est un nombril, ce n'est pas un diamant. Donc, tant que l'homme ne sera pas suffisamment conscient, suffisamment lucide, suffisamment conscient des jeux de l'astral à travers son mental, il doit s'assurer d'une constante humilité dans son rapport avec les hommes. Donc, s'il regarde l'histoire de l'homme, s'il regarde Socrate, s'il regarde les anciens, s'il regarde tout ce qui a été nécessaire pendant l'évolution, il doit dire, dans ce temps-là, c'était nécessaire. Dans ce temps-là, c'était nécessaire. Dans ce temps-là, c'était nécessaire. Aujourd'hui, c'est une autre époque. À ce moment-là, l'homme peut réellement évoluer, comprendre, saisir, apprécier le passé, mais ne vivre qu'en fonction de l'avenir. Mais aujourd'hui. Quelle est cette expérience à laquelle vous avez fait allusion, que vous avez vécue en 1969, dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, en 1969, j'ai vécu la fusion, c'est-à-dire que j'ai vécu le premier rapprochement entre cette énergie qu'on appelle son propre esprit avec l'ego. Ceci a dépersonnalisé mon être, ceci a neutralisé ma mémoire, ceci a neutralisé ma faculté de penser subjectivement, ceci a changé totalement ma personnalité. Et au cours des années, je me suis habitué, j'ai souffert énormément pour en arriver à intégrer cette énergie. Il ne s'agit pas simplement de vivre le contact de la fusion. Il faut intégrer l'énergie parce que nous ne sommes pas, ce n'est pas parce qu'un homme est fusionné qu'il est capable de comprendre parfaitement le jeu de l'astral en lui. Donc, la lumière, elle est là. L'homme travaille en relation avec cette lumière et il doit petit à petit, progressivement, en arriver à voir et à comprendre toutes les illusions possibles qui peuvent se créer en lui à cause du fait qu'il est homme. Lorsque ceci est fini, il y a intégration. À ce moment-là, l'homme, il est dans sa nature, il est dans sa conscience, il est dans sa réalité, il fait ce qu'il a à faire, il est bien dans sa peau. Mais l'homme ne vivra pas la fusion dans une instantanéité, l'homme la vivra d'une façon graduelle, au cours des années, au fur et à mesure qu'il comprendra les lois de cette instruction mondiale, de cette science du mental, de cette science de l'esprit qui commence petit à petit à nous être donnée au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure qu'on se rencontre du rapport très étroit entre l'homme et l'astral. Vous qui avez une intelligence créative, une parole créative, comment se fait-il qu'au travers de votre parole et de cette intelligence, on perçoit des aspects de froideur? Pourquoi l'homme, en vous entendant parler, vous percevrez comme quelque chose de froid? Moi, froid? Je ne suis pas froid, moi. Je suis chaud. Demandez à ma femme. Je ne suis pas froid. Je ne suis pas froid. Si j'apparais comme étant froid, c'est parce que je parle. Lorsque je parle, je suis dans une autre vibration. Je pars. Quand je parle, je crée, je dis des choses qui n'ont pas été dites, je dois dévoiler, je dois déchirer les mystères, déchirer les voies. Donc, j'apparais comme étant froid, mais je ne suis pas froid. Je suis très chaud, très, très chaud. Est-ce que ça provient du fait qu'il n'y ait pas d'émotion dans votre parole, ou en tout cas qu'elle est maîtrisée, peut-être? Il n'y a pas d'émotion dans ma parole. Il n'y a pas d'émotion dans ma parole. Il n'y a pas d'émotion dans ma parole. Non. Il n'y a pas d'émotivité dans ma parole. D'émotivité. Oui. Il y a une différence entre l'émotion et l'émotivité. n'y a pas d'émotivité dans ma parole. Parce que la fusion, elle est trop avancée. C'est un. Avant, peut-être, mais maintenant, c'est un. Donc, il semble ne pas y avoir d'émotion. Mais il y a de l'émotion. J'ai déjà pleuré en public. Ça prend de l'émotion pour pleurer en public. Mais ce n'est pas de l'émotivité. C'est de l'émotion. C'est une activité astrale généreuse qui fait partie du jeu de la lumière à travers mon corps astral pour montrer et pour démontrer aux gens que je ne suis pas fait en briques. Mais de dire que je suis froid, non, je ne suis pas froid, je suis chaud. Mais je suis chaud-froid. Quels ont été les changements au niveau de votre personnalité? Je me suis réchauffé. Je suis beaucoup plus chaud aujourd'hui que je ne l'étais il y a 15 ans. Vous pouvez donc jouer avec toutes les humeurs. Oui, aujourd'hui, je fais ce que je veux. Tandis qu'au début, l'énergie faisait avec moi ce qu'elle voulait. D'ailleurs, elle était là, ma souffrance. Pendant 15 années, j'étais un initié. J'étais réellement un initié. J'étais régi par ces forces écœurantes qui sont la lumière dans l'or. Puissante, qui ne laisse pas un pouce, qui contrôle le corps matériel, ainsi de suite. Tandis qu'avec les années, j'ai appris à contrôler, intégrer. Ça m'a pris 15 années. Donc, depuis 15 ans, je me suis réchauffé. Aujourd'hui, je suis normal. Personne dans la salle ne peut pas dire que je ne suis pas normal. J'apparais normal, je fonctionne, je prends mon martini, je suis normal. Je fais comme tout le monde. Tandis que dans ce temps-là, je n'étais pas normal. Qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on n'est plus un initié? Quand on n'est plus un initié, on est un homme libre. On ne peut pas être libre tant qu'on est un initié. Tous les hommes sont des initiés. Les hommes de la salle sont des initiés. Les hommes de la terre sont des initiés. L'homme est un initié, c'est-à-dire qu'il a à apprendre des choses. Et lorsque l'homme n'a plus à apprendre des choses, il n'est plus un initié. Il est un homme libre. À ce moment-là, il est chaud. Mais malgré votre fusion et l'intégration de cette fusion, est-ce que vous êtes obligé encore de vivre de l'expérience? Non, je ne vis pas d'expérience. Même dans la fusion, on ne vit pas d'expérience. Parce que vivre d'expérience veut dire ne pas comprendre ce que l'on vit. Tandis que dans la fusion, on vit des choses qui sont très difficiles, mais on les comprend. Mais on a la force de les supporter à cause de la fusion. Donc l'homme, en tout cas pour moi, l'homme qui vit la fusion ne vit pas d'expérience. Il comprend ses expériences. Tandis que l'homme, lui, qui va vers la fusion, il vit d'expérience, il a des choses à voir, parce qu'il y a toujours le voile de l'astral. Tandis que moi, ça m'a été enlevé, j'ai vécu l'opération, j'ai été opéré. Je ne pouvais pas avoir le plaisir de penser. Vous pensez avec plaisir. Moi, je n'avais pas le plaisir de penser. Autant pour l'homme, c'est difficile de s'imaginer pas penser, autant pour moi, c'est difficile de m'imaginer penser. Alors, c'est l'envers complètement. Et c'est justement parce que je ne pense pas que je parle tant. C'est justement parce que je ne pense pas qu'il ne semble pas y avoir d'émotion dans le mental. C'est ça la fusion, l'intégration de l'énergie. Mais au moins, aujourd'hui, je ne souffre plus de l'initiation. Aujourd'hui, je suis bien et je me garde bien de souffrir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je connais trop les jeux, je connais trop. Donc aujourd'hui, je suis libre. Mais ça m'a pris 15 années pour réellement conquérir les forces plutoniennes. Les conquérir à un point tel où je puis, avec certitude, m'assurer que jamais elles ne troubleront ma vie. Et ce sont des forces très puissantes, très difficiles. Ce sont des forces qui mettent dans la vie de l'homme le désordre. Le plutonien, c'est un Himalaya. Si quelqu'un regarde mes mains, comme l'a dit certains astrologues, c'est un type comme moi, il a la chance d'être fou ou d'être génie. C'est une façon humaine d'expliquer que soit tu craques ou tu débarques. Alors j'ai décidé de débarquer, mais ça m'a pris 15 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant que je donne des séminaires et que je suis content de le faire pendant une certaine période de temps, l'instruction que je donne, elle ne peut pas se comprendre au niveau de l'intellect, elle ne peut pas se comprendre au niveau du rationnel. Et elle se comprend par cette petite partie dans l'homme qui est son intelligence. Donc, à ce moment-là, nous sommes sur une même longueur d'onde. Dans le fond, je n'enseigne rien à l'homme qui ne soit nouveau. Je dis simplement à l'homme que ce qu'il sait, il doit le conserver. Il doit l'agrandir, il doit l'agrandir, il doit l'agrandir. Mais ça prend des années. Vous devez apprécier l'ordre, alors, aujourd'hui. Donc. Aujourd'hui, je suis maniaque de l'ordre. J'aime l'ordre, parce que dans l'ordre, moi, je n'avais pas... Il y a des gens dans la vie, vous savez, vous allez chez eux, vous fumez une cigarette, ils vont tout de suite nettoyer le cendrier, vous regardez, tout est propre. Il n'y a pas de poussière dans la maison. Du il y a des petites femmes qui se promènent, il n'y a jamais de poussière dans la maison, c'est toujours propre, c'est ordonné. Les souliers sont toujours propres. Il y a quelque chose qui tombe, ils le rangent. Je n'avais pas le plaisir de l'ordre. Pour moi, c'est un très grand plaisir, l'ordre. Parce que lorsque je vis de l'ordre, je vis une vie qui est sous mon contrôle, qui est sous mon regard. Tandis que pendant l'initiation, je ne pouvais pas. D'ailleurs, j'étais tellement fatigué durant l'initiation, toujours fatigué. J'étais comme un homme de 80 ans. Je me lavais, je prenais la débarbouillette, je la laissais là. Ma femme me disait, pourquoi tu ne tords pas la débarbouillette? Je disais, je suis fatigué. Elle disait, combien d'années ça va durer? Je disais, jusqu'à temps que tu t'en occupes plus. Après 5 ans, elle ne s'occupait plus de la débarbouillette, là, je commençais à la tordre. Alors, pendant des années, je ne pouvais pas bénéficier de tordre ma débarbouillette, de la mettre dans un petit coin. Le savon est resté là. Je n'avais pas le plaisir d'être normal. Et pendant 15 années, j'ai été forcé, à moins de me détruire, de découvrir la normalité consciente à travers le désordre total. Quand vous avez une belle vie bien rangée, ça va bien. Mais quand vous êtes empêché par vos propres forces de vivre de l'ordre et que vous devez vous maintenir psychiquement dans l'ordre, dans le désordre de la vie, c'est un tour de force. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et ça demeurera certainement pendant longtemps, je disais toujours que les forces dans l'homme, la lumière de l'homme, tant qu'il n'a pas contrôlé, ce sont des forces qui... c'est des chiens. Je les haïssais. Mais je les comprenais. Mais je les haïssais. Mais je les comprenais. Mais je les haïssais. Alors, pendant 15 ans, j'ai haï. C'est comme ça que j'ai détruit les voiles. Et au bout de 15 ans, là, l'intégration s'est faite. Maintenant, on ne m'achale plus. Je fais mes affaires. Je suis bien. Je vis bien. Je vis comme je dois vivre, c'est-à-dire comme un homme conscient. Mais diriez-vous que les autres hommes vont vivre la même expérience que vous? Non, les hommes ne vivent pas la même expérience. Il n'y a pas un homme pareil, mais les hommes vivront certainement le jeu des forces en eux. Parce que l'homme, il est force. L'homme, il est esprit dans la matière, qui n'est pas libre, qui veut devenir libre. Imaginez-vous quand votre esprit veut devenir libre, ce qu'il peut faire pour se rendre libre. Et il se rendra libre, oui, mais sous votre peau, sur votre corps. Donc l'esprit se rendra libre, libre. C'est ça l'initiation, c'est l'esprit qui veut se rendre libre. Mais un jour, il faut qu'il se rende libre, mais que vous aussi, vous puissiez bénéficier de sa liberté. Sinon, il se rend libre à votre dépens. Et c'est ça la fusion qui vient avant l'intégration. La fusion, c'est une chose. La fusion, on n'y peut rien. Quand l'esprit de l'homme veut fusionner avec l'ego, il le fait. L'ego ne demande pas de questions. Il vient dans son temps. Il vient comme un voleur dans son temps. Mais l'intégration, c'est sous le contrôle de l'homme. Donc, l'intégration, c'est l'envers de la fusion. La fusion, c'est important pour l'esprit. L'intégration, c'est important pour l'homme. Et un homme qui n'en arrive pas dans la vie à intégrer l'énergie de sa fusion, il vivra une vie malheureuse et il mourra malheureux. Il sera obligé de revenir dans un autre temps, en fusion, jusqu'à temps qu'il arrive à conquérir l'esprit, c'est-à-dire intégrer son énergie, c'est-à-dire détruire complètement les voies dont il peut se servir pour transmuter l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale. Bien, maintenant, les hommes qui vont vivre cette expérience future de fusion, ou peut-être déjà actuelle, elle va être progressive. Mais dans cette progression, ils seront testés quand même. Ils seront testés comme vous avez été testé, peut-être, par l'esprit. Oui, c'est ça. L'homme, il est testé. Et qu'est-ce qu'on devient quand on n'est plus testable? Quand on n'est plus testable, on devient intelligent. Je pensais qu'on allait devenir détestable. C'est pas mauvais, ce que vous dites. Quand on devient conscient qu'on a intégré l'énergie, on n'est plus testable parce que c'est à ce moment-là qu'on a ce que j'appelle de la volonté, de la lucidité. Donc, il y a de la lucidité. La lucidité dans l'intelligence, c'est la lumière de l'homme qui n'est pas colorée par l'astral, qui n'est pas influençable sur les plans de l'invisibilité. Et la volonté de l'homme, elle est le produit de cette intelligence, et l'intelligence, elle est le produit de cette volonté, ils vont ensemble. Et lorsque l'homme n'est plus testable, à ce moment-là, il est effectivement un homme suffisamment centré pour être détestable si on lui pile sur le pied. Donc, si des forces occultes, des forces essaient de manipuler l'homme, il réagit instantanément. L'homme ne peut plus se faire... Écoutez, l'évolution, c'est l'ignorance. L'évolution, c'est la connaissance. Et la connaissance de l'évolution, c'était... La connaissance pendant l'évolution, c'était une forme d'ignorance. Donc, il faut que l'homme sache exactement la différence entre la connaissance de l'évolution et la nouvelle connaissance, autrement dit, le savoir de demain. Et ils sont absolument différents. Nous pensons que nous pouvons continuer à ramener ou amener avec nous nos mémoires. Nous ne pouvons pas, dans l'évolution, amener nos mémoires. Nous sommes obligés de trancher complètement avec nos mémoires parce que nous ne sommes plus karmiques. Nous n'avons plus, éventuellement, à apprendre. Nous vivons simplement de la relation entre notre énergie et notre ego. L'intégration totale, c'est ça l'unité de l'homme. C'est ça la conscience supramentale, une conscience supramentale. Et non pas une conscience mentale inférieure, karmiquement dosée. Vous avez parlé de la transmutation des énergies émotionnelles en énergie mentale. C'est quoi le processus au départ? La transmutation des énergies émotionnelles en énergie mentale, elle est basée sur un principe. Elle est basée sur le principe que, qu'il se passe quoi que ce soit dans la vie de l'homme, il doit apprendre petit à petit à ne rien prendre au sérieux. Si l'homme est capable de ne rien prendre au sérieux dans sa vie, autrement dit, ne pas mettre de l'émotion dans son mental, parce que prendre des choses au sérieux, c'est mettre de l'émotion dans le mental. Si l'homme apprend à ne pas mettre de sérieux dans son mental, à ce moment-là, il apprend petit à petit à transmuter et à séparer ces deux eaux-là. Séparer. Ça lui permet peut-être de voir l'illusion de l'émotion. Ça lui permet de voir l'illusion de l'émotion, exactement. Ça lui permet de voir l'illusion de l'émotion. Et nous ne la voyons pas, l'illusion de l'émotion. Parce que nous avons donné à l'émotion une certaine valeur. Exemple, nous allons dans un stade où se joue le baseball. Il y a des milliers de fans qui crient, qui hurlent. Et vous regardez le baseball, vous appréciez la partie, et le gars à côté vous dit... Tu ris pas, moi je peux pas faire ça. Alors je reste chez nous, je regarde le baseball. Pourquoi? Parce que je ne peux pas supporter l'enthousiasme inconscient d'une masse. Ça fait mal. Avant, j'aimais ça, je donnais mes propres coups de poing. Mais aujourd'hui, je peux plus. Fait que je reste chez nous, je regarde le baseball chez nous. Et le gars me dit, tu viens pas au stade? Ah non, non, vas-y, t'amuses. J'ai rien contre le fait que le gars a le stade, mais moi, je suis chez nous. C'est quoi de l'enthousiasme pour vous? De l'enthousiasme, c'est une forme d'animalité collective qui donne à l'homme une conscience grégaire du sport dans lequel il exprime. De l'enthousiasme, c'est une sorte d'enfantillage, d'infantilisme psychologique qui empêche l'homme d'être seul. Il est avec qui à ce moment-là? Tout le monde. T'es pas normal. Tu t'imagines, moi, si j'étais au stade, je serais assis, comme ça, les bras comme ça, je regarderais le baseball. Et les gars autour, ils me regarderaient et diraient, il capotait. Il aurait raison. Je suis pas supposé être là. Faut respecter les lois de l'équivalence. Alors, si tu es anormal dans un autre sens, tu te crées un environnement anormal dans un autre sens. Faut que tu respectes les gens qui vont au stade. Alors, il faut toujours maintenir l'équilibre. Alors, les gens qui vont au stade, qui ont du fun, ils ont du fun, c'est normal. Ils ont la conscience, ils ont l'énergie émotionnelle pour. Mais l'homme qui se conscientise après des années, des années, des années, il n'a plus cette énergie. Donc, vous ne voyez pas les yogis aux Indes au stade avec... Ah non, non, non. Ils peuvent pas. Non, ils sont sur une colonne. On peut pas. Et le sérieux dans la vie pour vous? Le sérieux? La vie, c'est pas sérieux? Qu'est-ce qu'il y a de sérieux dans la vie? Nous, nous créons le sérieux. Nous mettons du poivre et du sel et du poivre et du sel. Nous épissons nos mets constamment. Il n'y a pas de sérieux dans la vie. Nous mettons le sérieux, donc nous nous rendons malades. Nous mangeons trop de poivre, trop de sel. La vie, c'est la vie. La vie, c'est normal, c'est naturel, c'est progressif, c'est créatif, ça engendre. Mais nous, nous avons tellement besoin de vivre. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas. Donc, nous mettons du sel et du poivre. Quand est-ce qu'on met de l'épice sur un steak quand il n'est pas bon? Quand il manque de saveur, on met du steak, probable, du ketchup. Mais si le steak était réellement très bon, très savoureux, beaucoup d'arômes, on mangerait le steak comme ça. Mais aujourd'hui, notre steak, il est fat. Donc, on met du sel puis du poivre. On s'excite. Un petit coup de coude. Du sérieux, t'es pas... Alors, on vous invite le mois prochain à suivre cette conférence où il sera question de l'Aztec frites salade. Merci beaucoup, Bernard de Montréal. C'est le poivre.